Bonjour. Donc, je vais très rapidement me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. J'étais pas là hier soir à la conférence. Je m'appelle Virginie Clessen. Je travaille dans un groupe d'édition, le groupe Editis, vous connaissez peut-être, qui est le second groupe d'édition français, derrière Hachette. Et donc c'est un groupe qui regroupe une quarantaine de maisons d'édition. Pour donner juste un aperçu, et il y a à la fois de l'édition de littérature générale avec des marques comme Robert Laffont, Presse de la Cité, Belfond, Univers Poche qui regroupe 10-18, Pocket, enfin donc c'est un groupe important. Et dans le domaine de l'éducation, des grandes marques très connues comme Nathan, Bordas, Clé International, voilà. Et chez Editis, chez qui je travaille depuis maintenant pratiquement 2 ans, je suis responsable chargée du développement numérique. Donc avec toute une équipe, bien entendu, on fait moi je suis plus spécifiquement chargée de la veille sur tous les domaines qui sont liés au numérique et à l'édition, et qui permet d'informer un petit peu la stratégie numérique du groupe. Et puis je fais un travail d'accompagnement avec aussi toute une équipe, auprès de l'ensemble des maisons d'édition du groupe sur leurs projets numériques, de numérisation, sur comment imaginer des nouveaux produits, et aussi comment changer la façon de vendre les produits papier, parce que le numérique, pour les éditeurs, ça concerne encore en très grande partie les livres imprimés. Donc ça, c'est mon travail. Par ailleurs, je suis aussi présidente de la commission numérique du Syndicat national de l'édition. Et ça, c'est un lieu en ce moment très, très intéressant d'échange entre éditeurs sur toutes ces questions du numérique. Et ça, c'est depuis le mois de juin dernier. Où c'est vraiment un endroit de dialogue interprofessionnel très intéressant. Alors, on a pas mal de choses à voir. Après une brève introduction, on va aborder alors le modèle économique du livre numérique. On va pas partir dans de la théorie économique, dans des chiffres trop. Je vais pas vous assassiner avec ça. On va plutôt aller regarder des exemples de ce qui se fait aujourd'hui, dans pas seulement en France, mais aussi aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde, en termes de nouvelles pratiques des éditeurs, nouvelles offres imaginées dans le contexte de l'émergence du numérique. Donc on parlera de ce que j'aime bien appeler le moment e-book, ce sur quoi je dirais que la presse grand public, c'est ce dont on parle le plus souvent, c'est-à-dire les nouveaux terminaux de lecture. Et l'émergence de nouvelles pratiques de lecture aussi. Donc on parlera du Kindle et des autres liseuses, et de ce que font un petit peu les éditeurs dans différents pays du monde. Ensuite, on va faire un petit tour du côté d'expérimentation, de nouveaux services liés à la lecture et au livre, avec la lecture juste à temps. Il est impossible de ne pas parler de Google. On en parlera. Ensuite, une expérience que j'ai un petit peu évoquée hier dans la conférence avec Luc Sporen, de livres que j'appelle le livre dont vous êtes le co-auteur, c'est-à-dire autour de l'expérience de Shared Books. Je vais vous parler aussi d'un site complètement bâti sur le modèle de ce qu'on appelle le freemium, qui est le site FileBuy. Et puis, je terminerai en parlant peut-être un peu plus longuement que ce qu'a fait Daniel tout à l'heure, qui a évoqué Publi.net comme l'une des sources d'approvisionnement, entre guillemets, pour les liseuses qu'il met à disposition des étudiants en bibliothèque. On terminera avec cette description un petit peu détaillée de l'expérience de Publi.net. Et alors, sentez-vous libre aussi en permanence de poser des questions, bien entendu. C'est pour introduire le propos. Je voudrais partir sur le titre du livre qui vous a été remis au début de la semaine. Read, Write, Book. Jean-Michel Salin, qui est un blogueur, qui est un spécialiste en ce qui concerne le document électronique et la bibliothéconomie, a parlé de ce livre dans un billet, et puis à la fin de son billet, il fait une petite remarque en disant, et bon, il travaille au Québec aussi, et il est imprégné de cette culture québécoise un petit peu hostile, pour des tas de raisons, à l'emploi immodéré de l'anglais, et il a un peu, interpellé Marin Dacos sur, pourquoi avoir appelé ce livre dans une université d'été française, destinée à des Français, où on parle de problèmes pas seulement français, mais en français, pourquoi avoir appelé ce livre Read, Write, Book? Et moi, ça m'interpelle, et je trouve que c'est un peu, on est un petit peu avec ce titre au cœur, et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont donné, on est un peu au cœur de la problématique. Et d'ailleurs, je l'ai exprimé dans un commentaire sur le blog de Jean-Michel Salin, en disant, mais il ne s'agit pas de parler anglais pour faire anglais, ou parce qu'on serait américanophile spécialement, ou anglophile, ou parce que voilà. Non. Read, write, quand on écrit read, write, lecture, écriture, en anglais, ça a un sens bien précis, et c'est à ce sens que font allusion l'équipe qui a choisi ce titre pour ce livre. Read, en fait, pour un informaticien, c'est accessible en lecture. Ce qui est tout à fait pareil que lire, être accessible en lecture. Write, c'est être accessible en écriture. Et le choix de ce titre pour ce livre, et aussi le fait que ce livre, une des occurrences de ce livre, soit un livre papier, nous met un peu au cœur de la problématique du numérique. Ça montre aussi comment, finalement, l'univers du code, c'est un vocabulaire qui est le vocabulaire de l'univers du code, vient un petit peu percuter l'univers traditionnel, l'écosystème traditionnel du livre. Et on imagine bien que c'est compliqué et passionnant de se trouver comme ça, bousculé par un univers nouveau, et que du côté des éditeurs, ça représente des efforts considérables. Donc, Read, c'est accessible en lecture. Ben ça, c'est accessible en lecture, on est tous d'accord. Un livre imprimé, c'est accessible en lecture. Seulement, c'est pas accessible en lecture pour les machines, c'est accessible en lecture pour les êtres humains. Sans opération très particulière, tant qu'un texte est dans un livre, il échappe à l'indexation automatique. Est-ce qu'il est accessible à l'écriture? Oui, comme le montre l'exemple ici, et certains parmi nous adorent faire des notes en lisant les livres et annoter les livres, pas tous. Donc jusqu'à là tout va bien, le livre papier il est accessible en lecture et en écriture. Une fois qu'il est numérique, le livre est aussi accessible en lecture. Par contre, il n'est pas accessible immédiatement en lecture, il est accessible via un dispositif technique. Donc il y a un livre, vous y accédez tout de suite. Vous n'avez pas besoin de le brancher, vous n'avez pas besoin de posséder une machine quelconque. Il est à la fois contenu et contenant. Mais par contre, ce livre numérique est, lui, immédiatement visitable par un robot et indexable de façon automatique. Maintenant, est-ce que le livre numérique est accessible en écriture? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que certains des dispositifs qui permettent de lire des livres numériques permettent aussi d'écrire. Si vous lisez un livre numérique sur votre ordinateur portable, tous les ordinateurs portables disposent d'un traitement de texte. La question, c'est pas tout à fait celle-ci. C'est est-ce que vous allez pouvoir écrire sur le livre numérique? Alors ça, pour l'instant, c'est pas toujours le cas. C'est pas encore le cas. Seulement certains applicatifs, c'est-à-dire pour qu'un livre numérique soit accessible en écriture, il faut que ça ait été pensé avant et avoir pensé un système qui va permettre d'accueillir l'écriture sur le fichier du livre numérique. Ça, c'est, on verra des exemples, ça existe en ligne le plus souvent. Et les nouveaux modèles de liseuses aussi permettent d'ajouter des annotations et on se dirige quand même de plus en plus vers un rapprochement de la lecture et de l'écriture sur le livre. Si on vient un petit peu en arrière à l'archéologie un petit peu du numérique dans l'édition, très rapidement, parce que c'est un peu une époque révolue, moi ça m'a paru intéressant, de toujours sur cette thématique du read-write, de se souvenir que les premières tentatives et les premiers moments où on s'est posé la question de l'édition électronique, c'était l'époque du CD-ROM, dans les années 90 essentiellement, et que le mot même de CD-ROM portait l'idée de read-only. Bon, simplement parce que le CD-ROM n'était pas inscriptible, un support non inscriptible. Et donc, quelque part, c'était un peu mal parti si, dans cette idée d'un rapprochement de la lecture et de l'écriture. Donc, là, c'est une photo d'un des tout premiers CD-ROM produits en France par un éditeur, qui était l'encyclopédie Axis. Alors, malgré cette limitation, comme beaucoup de gens ont fait des CD-ROM pédagogiques à l'époque, et qu'il y avait un vrai besoin de ne pas se contenter de parcourir le CD-ROM, mais aussi de réutiliser ses contenus, d'exporter des images, de mémoriser des parcours dans le CD-ROM, on contournait le côté read-only, non pas en écrivant sur le CD-ROM, ce qui n'était pas possible, mais en créant un dossier sur le disque dur de l'utilisateur et en écrivant sur ce disque dur. Donc, en fait, on contournait un petit peu le problème. Mais ça liait l'usage du CD-ROM à une machine particulière, puisque c'était sur le disque dur, et c'était excessivement compliqué à gérer dans des contextes d'enseignement, avec des classes entières, avec des gens avec moins de machines que d'individus, dans des familles où il y a plusieurs enfants qui utilisent un CD-ROM, etc. Pour continuer aussi sur le glissement de sens entre des termes, entre l'époque d'où nous venons, disons l'époque pré-numérique, pré-internet, et puis l'époque dans laquelle nous sommes et vers laquelle nous allons, il y a un autre terme que read-write, il y a le terme de privilège. Il y a une relation, parce que le lien c'est read-write, c'est aussi des privilèges qu'on donne en informatique pour l'accès à une base de données. On va autoriser des utilisateurs à écrire ou à lire. Et en réfléchissant à ça, je me suis souvenu d'une des acceptions d'un des sens du mot privilège, qui est lié au droit d'auteur, enfin, qui est lié à ce qui a précédé le droit d'auteur, qui était tout à fait au début de l'imprimerie, le fait d'obtenir du roi l'autorisation exclusive d'imprimer et de vendre un livre pour une durée déterminée. Donc, quelque part, c'est un petit peu un jeu de mots, une pirouette, mais quelque part, les éditeurs sont tiraillés en ce moment entre les deux sens du mot privilège. Ils sont plus sur un mode de privilège, et on est en République et les lois ont beaucoup évolué, mais quelque part, le droit d'auteur est hérité et est toujours aussi un droit accordé à l'éditeur d'exploiter paisiblement l'œuvre d'un auteur avec son accord dans le cadre d'un contrat. Mais l'éditeur, maintenant, il est confronté dans sa pratique, à partir du moment où il va se tourner vers l'édition numérique, à d'autres types de privilèges qui sont tout à fait différents, qui sont effectivement le réglage de l'accès à des bases de données. Et il y a une grosse différence entre, finalement, la loi écrite et qu'on décide de respecter ou non, et les privilèges en informatique qui sont, comment dire... C'est pas juste vous n'avez pas le droit d'écrire sur cette base de données. C'est si vous n'avez pas le droit, vous pouvez pas. C'est simple, vous pouvez pas. Vous pouvez pas accéder dans une base de données. Vous pouvez pas faire avec une base de données des choses que le système ne vous autorise pas à faire. En ce qui concerne le droit d'auteur, c'est la loi. C'est-à-dire que la loi est connue, mais il n'y a rien qui, techniquement, physiquement, vous empêche de la transgresser. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une bascule entre les sens des deux mots et entre les deux mondes. Si on prend un exemple vraiment tout simple d'exploitation, alors là je prends un exemple d'un livre de cuisine, on pense souvent le livre à travers ses aspects le segment emblématique de l'édition, c'est vraiment la littérature, le roman. Mais il faut savoir que dans l'édition, la plus grande partie des titres, ça reste une très très grande variété d'usages pour le livre. Si on prend le... Bon, là, c'est aussi un petit peu caricatural, mais avec la bascule vers le numérique, l'image de gauche, c'est-à-dire le livre de cuisine traditionnelle, on est toujours dans cette idée de... J'ai un contrat avec un auteur, je vais l'aider à mettre en forme son livre, et puis je vais l'aider aussi à le faire connaître au plus grand nombre de lecteurs possible, et à faire en sorte que les gens disposent de cet objet chez eux quand ils font la cuisine, ou s'ils ont envie simplement de le feuilleter et de rêver dessus. À partir peut-être du même auteur ou de la même équipe d'auteurs, créer, dans le cas de Creative Cookbook, créer une base de données une base de données de recettes de cuisine, éventuellement la rendre disponible sur un iPhone. Et là, effectivement, je vais toujours avoir un contrat avec mon auteur, très probablement, mais je vais aussi être obligé de gérer la façon dont chacun accède et utilise une base de données. Et ça, c'est une nouvelle préoccupation pour l'éditeur, sachant que ça se pose dans le monde de l'édition commerciale, mais ça se pose aussi dans le monde de la contribution, où sur Wikipédia, par exemple, il y a forcément une régulation de la façon, dans un monde de la contribution volontaire et du gratuit, Wikipédia est sans arrêt aussi en train de travailler sur cette notion de qui a le droit d'eux et qui d'autorité et de possibilité d'accès. Donc ça vient tout le temps se poser dès qu'on bascule dans l'univers de l'informatique. Donc là, j'ai mis une citation de Roger Chartier qui vraiment résume en une phrase, de mon point de vue, toutes les tensions qui apparaissent dans le monde de l'édition avec le numérique, et toutes les, et ça met aussi l'accent sur le fait que c'est des questions. On est dans des questions. Roger Chartier, c'est vous le connaissez probablement tous, c'est vraiment un des grands spécialistes de l'histoire du livre et qui passe son temps à réfléchir à ces questions. Lui-même dit je ne sais pas, c'est-à-dire je crois, peut-être. Là, et en fait, il a le mérite d'isoler la question, hein, qui est celle de cette tension entre le livre comme objet fini tel qu'on l'a connu, et puis le destin qui attend le livre avec le numérique, qui va s'ouvrir vers un monde, effectivement, probablement autour des bases de données, et puis du flux aussi. Et donc, il pose vraiment une problématique ouverte. Alors, c'est une introduction un petit peu longue pour dire que parler dans ce contexte-là d'une telle nouveauté et dans de telles tensions d'un modèle du livre numérique, je vais bien m'en garder. Alors, je fais un jeu de mots un petit peu bête sur lire, écrire, compter. Compter, hein, c'est les modèles économiques. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous dire, le truc qui marche avec le livre numérique, c'est comme ça. Ben non, pour l'instant, personne ne sait. C'est même pas la question du truc qui marche. Personne ne sait exactement comment on lira dans 20 ans, de quelle façon, ce qu'on lira dans 20 ans et comment on lira dans 20 ans. Par contre, on est obligé de se poser des questions parce que déjà les comportements de lecture ont changé. Alors, le moment e-book, rapidement, il y a encore quelques années, on pensait vraiment que le numérique était réservé à un certain type d'ouvrages. D'ailleurs, il y a toute une partie de l'édition qui a basculé dans le numérique sans faire trop de bruit, parce que c'est pas l'édition grand public, et ce dont on parle, c'est souvent les choses qui touchent le grand public. Donc toute l'édition professionnelle, l'édition médicale, ce qu'on appelle le STM, ça, c'est maintenant plus de 50% du chiffre d'affaires des éditeurs se fait avec des produits numériques. Mais le discours, jusqu'à il y a encore assez peu d'années, c'était personne jamais ne lira de roman sur un écran. C'est pas possible, les gens sont trop attachés au livre, comment se passer de la bonne odeur du papier, de l'encre, et puis moi j'ai besoin, de, si j'achète un objet, j'ai besoin de le toucher, et puis je veux pouvoir le prêter. Que des observations assez pertinentes. Mais à la surprise de beaucoup, eh bien, il s'avère que des gens, de plus en plus de gens, apprécient le fait de pouvoir lire de la littérature ou des essais, c'est-à-dire des livres qui nécessitent une lecture en immersion, donc pas des livres de consultation qui ont un destin numérique assez évident, non, des livres en immersion. Depuis l'apparition d'un certain nombre d'outils qui rendent cette lecture possible, pas forcément très confortable ou très agréable, mais je dirais suffisamment confortable ou suffisamment agréable pour que quantité de gens fassent la bascule. Alors, en France, c'est encore un petit peu émergent, mais aux États-Unis, il y a eu vraiment ces deux dernières années une bascule importante. Alors, le problème, c'est que le principal acteur commercial de cette bascule, qui est Amazon, avec le lancement de sa liseuse qu'on appelle le Kindle, ne donne aucun chiffre. Donc tous les chiffres qu'on voit sur le Kindle et Amazon sont des extrapolations. Donc moi, je préfère pas vous donner de chiffres, que vous donner des chiffres complètement fantaisistes ou issus de je ne sais quel cabinet de recherche. Tout ce qu'on peut dire, c'est que, interrogé sur ces questions-là, la plupart des éditeurs américains qui ont fait basculer une grande partie de leur catalogue en numérique et le mettre à disposition des clients, des gens qui souhaitent lire en numérique, la plupart d'entre eux se sont déclarés surpris, très surpris, par le nombre de téléchargements effectués. Et aussi que les quelques statistiques publiées par l'IDPF, qui est l'organisme qui veille sur le format e-pub, sont des croissances absolument énormes à deux chiffres. Bon, sachant qu'on part de très bas, une croissance à deux chiffres, ça ne veut pas encore dire forcément. Pendant un bon moment, on était en dessous de 1%, et là, on a largement franchi ce pourcentage. Je ne vais pas aller au-delà au niveau des chiffres, mais enfin, il y a un mouvement qui est vraiment significatif. Une autre indication sur le fait que ce mode de lecture est en train de décoller, c'est qu'il y a beaucoup d'autres fabricants qui s'y mettent et qu'il y a des mouvements importants autour du livre numérique. Je ne pense pas que des gros acteurs comme Sony et bien d'autres bougeraient dans cette direction s'ils ne voyaient pas un intérêt quelconque. Donc, autre chose sur les lectures numériques. Alors, petit à petit, les éditeurs se sont accoutumés à l'idée qu'il y allait avoir de plus en plus des lecteurs qui souhaiteraient obtenir un catalogue numérique et lire en numérique. Mais demeurait quand même l'idée que jamais, au grand jamais, parce que là c'était complètement invraisemblable et insupportable, on ne lirait sur un téléphone portable. Là c'était carrément des éclats de rire si quelqu'un disait « moi je lis un roman entier sur mon téléphone portable ». Et là, à la surprise de tous, la première application qui a été développée pour permettre de lire des livres numériques sur téléphone portable qui s'appelle Stanza, développée par une société qui s'appelle Lexcycle, a été téléchargé à une vitesse foudroyante. Ce qui, bon, ça ne veut pas dire que forcément tous les gens qui l'ont téléchargé l'utilisent massivement, mais malgré tout, il y a énormément aussi de mouvements vers le iPhone dans l'édition. Donc là aussi, on peut être surpris par les usages. Les pratiques des lecteurs peuvent tout à fait venir contredire des espèces de certitudes qu'on avait. Pendant toute une période, les éditeurs comment dire, regarder assez tranquillement d'autres secteurs culturels être bousculés par le numérique en se disant « Nous, on est tranquille, jamais les gens lâcheront le papier ». Alors, on va pas. Je suis d'accord qu'il ne faut pas s'amuser à jouer papier contre électronique, est-ce que le livre va disparaître, pas disparaître. Ça n'a strictement aucun sens. Ce qu'il faut apercevoir, c'est qu'un public de lecteurs existe pour le livre électronique et que le boulot des éditeurs, c'est de servir les lecteurs. Le boulot des éditeurs, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre de lecteurs possible puissent accéder aux œuvres des auteurs qu'ils publient. Donc, il n'y a pas... Pardon. Là, on parle beaucoup des États-Unis, mais il y a un phénomène qui émerge au Japon depuis 2 ou 3 ans, qui ici est à peu près invisible, mais qui est la question de romans sur téléphone portable, et des romans qui se passent totalement de l'instance éditoriale, c'est-à-dire que ce sont les lecteurs qui les écrivent et qui les envoient à un réseau via blog, à des réseaux de téléphone portable massif, quoi. Oui, il y a un phénomène massif de lecture de romans en ligne, avec une écriture qui, du coup, est totalement calibrée pour la largeur de l'écran, pour la rapidité de lecture de consultation par le pouce. C'est un phémomène qui est tout à fait émergent. C'est exact, et c'est aussi un rapprochement, ça rejoint un peu ce que je disais en introduction, c'est aussi un rapprochement de lecture et écriture, c'est-à-dire qu'aussi le lecteur devient auteur. Et c'est vrai aussi que le numérique vient en fait bousculer, remettre en cause un peu les places traditionnelles dans l'édition, l'auteur, l'éditeur, le lecteur, et tout ça doit se recomposer en fait d'une certaine manière. Et c'est intéressant. D'ailleurs, le fait d'avoir des lecteurs qui écrivent, il y a aussi un phénomène qui existe sur le web, là pas sur téléphone portable, qui est le phénomène des fanfictions, c'est-à-dire quand il y a des romans ou des fictions qui soulève l'enthousiasme d'un public nombreux, il y a des sites qui permettent aux lecteurs fans d'un auteur d'écrire des fictions parallèles à la fiction principale et puis de les échanger entre eux, d'inventer une suite ou de faire une histoire qui diverge ou d'utiliser les personnages de la fiction pour écrire une nouvelle fiction. Et ça, c'est aussi un phénomène c'est aussi un phénomène intéressant de lecteurs qui deviennent auteurs. Alors, rapidement sur Amazon. Amazon, c'est pas une entreprise bien vieille, hein, ça a été créé en 1995. Ils vendent en ligne des biens culturels, mais pas seulement. Leur métier de base, c'était le livre. Ils ont vite élargi à d'autres secteurs culturels et puis aussi à d'autres biens. Ce qu'on sait moins, c'est qu'Amazon est aussi un acteur de ce qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire que Pour mener à bien ses activités de vente en ligne à l'échelle mondiale à laquelle Amazon travaille, Amazon est obligé de gérer d'immenses fermes de serveurs. Et à un moment donné, et l'activité d'Amazon est une activité très saisonnière. Donc Amazon a eu l'idée assez rapidement de rentabiliser ses serveurs qui ne servaient pas toujours à la totalité de leur capacité en vendant l'espace et la puissance de calcul et l'espace de stockage de ces serveurs. C'est ce qu'on appelle un peu le cloud computing, c'est-à-dire mettre à la disposition des entreprises de l'espace et des applications sur son serveur. Donc c'est un métier d'Amazon qui n'est pas connu tellement du grand public, mais qui est très important et qui représente aussi des investissements très forts. Et sur ce domaine-là, Amazon est un concurrent de Google, alors que Google devient aussi, avec ce dont on va parler tout à l'heure, un concurrent d'Amazon. Donc Amazon, la première activité d'Amazon, ça a été de vendre en ligne des livres imprimés, donc grands entrepôts, donc tout un système de picking dans les entrepôts, d'acheminement du bien aux clients, donc aussi une culture très forte de l'interface d'une boutique en ligne et de comment rendre l'expérience d'achat d'un livre une expérience satisfaisante qui donne envie de revenir, etc. Donc il y a toute une culture très innovante chez Amazon où ils ont des idées en permanence pour mettre en avant les livres, pour donner envie aux gens de lire d'autres livres. Ça semble un petit peu naturel qu'au moment où le livre devient numérique, Amazon veuille se positionner là-dessus. Et donc là, Amazon a fait quelque chose qu'il ne faisait pas auparavant. Amazon a commercialisé une machine qui est sa propre machine, qui est le Kindle. Alors, en créant un système qui peut être un petit peu problématique, c'est un modèle propriétaire. C'est-à-dire que Amazon fabrique une machine qui ne lit que les livres qui sont vendus, que les livres numériques qui sont vendus sur Amazon, et inversement, les livres numériques vendus sur Amazon ne peuvent être lus que par la machine fabriquée par Amazon. Donc ça, c'est un système qui pose problème, parce que ça, qui est même une véritable catastrophe, je pense, pour les lecteurs et également pour les éditeurs, parce que ça crée une espèce d'espace clos, et ça ne donne pas le choix. Le possesseur de Kindle, bon, on peut bidouiller, hein, y a moyen d'arriver à bidouiller les fichiers pour pouvoir les lire sur le Kindle, mais le lecteur lambda ne bidouille pas. Donc le lecteur qui achète un Kindle, eh ben, ça devient un client captif d'Amazon, et donc son choix de livre, eh ben, c'est le catalogue d'Amazon. Donc ça c'est une problématique. Amazon est plus dominant sur le marché américain que sur le marché français. C'est 14% des ventes de livres aux États-Unis se font sur Amazon, ce qui est absolument énorme. Ce qui pose des problèmes aux éditeurs, parce que si un éditeur est en conflit avec Amazon et que Amazon le déréférence, eh ben c'est une catastrophe pour l'éditeur. Donc ça donne un poids absolument énorme à Amazon. Ça lui a permis d'imposer pour les nouveautés en numérique un prix de 9,99 $. Il ne faut pas croire que tous les livres numériques sur Amazon sont vendus 9,99 $. Il faut se promener un petit peu sur le catalogue. Il y a beaucoup de livres qui sont soit moins chers, certains, la plupart du domaine public, soit plus chers, voire très chers. Mais le prix de 9,99 $, c'est le prix de la nouveauté, le prix du livre que vous voyez sur les tables dans les librairies. Après, le fonds de catalogue peut être plus cher, ou des livres avec une audience plus limitée peuvent être plus chers. Pour tenir ce prix, jusqu'à présent, Amazon achète les livres numériques au prix fixé par l'éditeur et perd de l'argent sur chaque vente. Donc pour l'instant, les éditeurs américains ne se font pas trop de soucis sur leur chiffre d'affaires dans l'immédiat, parce que le fait de baisser fortement le prix du livre numérique, c'est Amazon qui supporte. Ça. Je comprends pas, parce que là, on sans les coûts d'impression, donc on peut pas comparer ce prix-là au prix du livre papier. Ah oui, ça c'est une question. Alors, ça c'est vraiment ce qu'on dit spontanément. On se dit, c'est numérique, ça doit être moins cher. Bon, si. Il ne faut pas croire que numérique, ça veut dire pas cher. Il faut pas croire que parce qu'il n'y a pas d'entrepôt, d'atomes, de Fenwick, de camions, il ne faille pas veiller à stocker, à acheminer, à fabriquer. Il ne faut pas croire que c'est gratuit. Alors après, est-ce que c'est le même prix? Certainement pas. C'est forcément moins cher. Mais c'est forcément moins cher s'il y a un grand nombre de ventes. C'est-à-dire que on pourrait faire en détail l'analyse de ce qui compose le prix d'un livre. Mais l'analyse d'un livre tout seul, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui a du sens, c'est l'analyse en fonction d'un nombre de ventes et projeté dans le temps. Donc, la perception de l'utilisateur, et c'est une perception assez naturelle, c'est de se dire, ça ne peut pas être aussi cher. La perception de l'éditeur, c'est de se dire, si je baisse mon prix là où au niveau de ce que imagine le client comme être le bon prix, eh bien, dans quelques années, je ne peux plus rémunérer mon auteur, je ne peux plus me rémunérer, et il n'y aura juste plus de livres, quoi. C'est-à-dire que, ou alors, il faut changer complètement le modèle économique. Considérer qu'il n'est plus possible de payer les livres le prix du livre papier, que c'est inacceptable, que ça ne marchera jamais. Et puis, imaginer d'autres façons de rémunérer les gens qui travaillent pour fabriquer des livres, qui travaillent pour les écrire. Donc, voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, ce prix de 9,99 fait par Amazon, c'est un prix qu'Amazon décide, parce que Amazon se rémunère sur... L'objectif d'Amazon, c'est de vendre beaucoup de liseuses beaucoup de son modèle de liseuse pour capturer un marché. Une fois qu'il a capturé son marché, il peut vraiment régner dessus. Et donc pour l'instant, son objectif, c'est pas de gagner de l'argent en vendant des livres. Pour l'instant, son objectif, c'est de capturer des clients. Voilà. Donc ça marche assez bien. Les éditeurs américains craignent qu'à un moment donné, Amazon se retourne vers eux une fois qu'il aura une base de Kindle installée énorme et puis leur dise « Bon, maintenant, vous êtes gentils, mais moi, je les vends 9,99€ vos livres, je ne peux plus vous les acheter au même prix qu'avant et fasse un bras de fer avec eux. » Voilà. On est très proche du modèle sur lequel l'industrie du cinéma américain a conquis le monde. Les États-Unis ont eu une politique très forte dès les débuts du cinéma pour imposer le modèle cinématographique américain. Exactement sur ce modèle, c'est-à-dire en offrant le cinéma, en imposant des standards techniques de diffusion, et des cinémas qui sont plus chers aux spectateurs et aux exploitants de salles, et qui comptent retournement économique, et les films sont finalement devenus assez chers à la vente, et Hollywood a pu commencer à gagner de l'argent tardivement plus, pour avoir un standard mondial. Voilà. Ça marche. Bon, alors Amazon reste pas tout seul sur le marché américain du livre numérique. On va pas tout détailler parce que en ce moment l'actualité dans ce domaine, c'est toutes les semaines il y a quelque chose qui se passe, un accord qui est passé. Bon, quand même important de dire, c'est que juste derrière Amazon aux États-Unis, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à notre Fnac, qui est Barnes & Noble. Barnes & Noble, c'est-à-dire il y a à la fois de la vente en ligne, mais aussi des magasins. C'est une chaîne de librairies. Une des rares chaînes de librairies qui ont réussi à résister aux États-Unis où le réseau de librairies est infiniment plus médiocre qu'ici. Donc Barnes & Noble vient d'ouvrir cet été une offre aussi en livre numérique. Alors eux, ils ont annoncé leur offre en disant très très fièrement qu'ils étaient device agnostique, c'est-à-dire en se démarquant d'Amazon, en disant Amazon, ils ont un modèle qui vous impose un lecteur, nous on va vous proposer un catalogue de livres que vous pourrez lire sur votre iPhone, sur votre BlackBerry, sur votre liseuse, etc. C'est à la fois vrai et pas vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, le format qu'ils ont choisi peut être lu sur plus de machines que celui d'Amazon, mais c'est pas encore un format ouvert et interopérable, c'est un format propriétaire qui est simplement le format choisi par la boîte qui venait de racheter Fictionwise, qui avait déjà un catalogue très important d'œuvres en numérique à ce format, qui est le format e-reader, qui est un format propriétaire. Voilà, donc Barnes & Noble vient challenger Amazon. Et puis Sony se positionne sur le marché du livre numérique. Depuis longtemps, c'était un des premiers fabricants à fabriquer des liseuses, y compris dans la première génération des liseuses dans les années, au début des années 2000. Sony avait aussi une approche complètement verticale et fermée du livre numérique, avec son propre format, et là ils ont lâché. Ils ont abandonné ce format, ils ont adopté le format EPUB dont vous avez entendu parler toute cette semaine, si vous avez suivi les ateliers d'Adrien Gardeur, etc. Ils ont adopté ce format qui est un format ouvert, qui est un format sur lequel on travaillait ensemble de très nombreux intervenants du monde du livre. Et Sony fait deux choses, il adopte le format EPUB et il se rapproche de Google. Il se rapproche de Google au point d'avoir, sur les histoires du règlement Google dont on parlera un petit peu tout à l'heure, d'avoir apporté son soutien à Google dans le cadre de ce règlement. Et puis il a passé un partenariat avec Google pour diffuser en EPUB je crois presque 1 million d'ouvrages du domaine public accessibles pour les liseuses. Donc Sony se positionne radicalement différemment d'autres acteurs aux États-Unis. On va passer vite parce que le temps file et qu'il y en a pas mal d'autres sujets. Rapidement, au Royaume-Uni, le Kindle d'Amazon n'est pas encore arrivé en Europe, pour l'instant nulle part. C'est annoncé pour cette année, mais pour l'instant, c'est pas signé nulle part. Donc en Europe, qu'est-ce qu'on a en Europe ? On a au Royaume-Uni plusieurs liseuses en vente, mais parmi les événements qui ont fait l'objet d'un petit peu de publicité et dont on a parlé pas mal, c'est le lancement de la Sony avec des livres au format EPUB chez Waterstone. En Allemagne aussi, je ne l'ai pas noté, mais le e-book a fait son apparition chez les grands libraires en ligne, pareil, avec une mise en avant assez importante de la liste de Sony. En France, on a eu un lancement l'an dernier à la FNAC, assez particulier parce qu'il y a eu un lancement avec une exclusivité entre la FNAC et Sony d'une part, et entre la FNAC et le groupe Hachette d'autre part. Et très peu de temps après, il y a eu aussi quelques livres numériques mis en vente via Ipagine, en particulier des livres du groupe Gallimard, et diffusés vers des librairies indépendantes. On est en France complètement encore balbutiant dans ce domaine. Je pense que les choses vont se passer. Je parle de la lecture, de la mise à disposition d'un catalogue grand public pour les gens qui veulent lire en numérique. Ça va se passer, ça va commencer à se passer cette année et ça va continuer dans les années qui vont suivre. Alors, je repasse, on vient de parler de la question du prix. Un petit rappel aussi, quand on parle du prix, le prix de la TVA n'est pas la même sur le livre numérique que sur le livre papier. Donc, quand un éditeur vend un livre numérique au même prix qu'un livre papier, en fait, lui, ça lui rapporte moins déjà. C'est-à-dire que pour que le livre soit moins cher que le livre papier, il faut qu'il vende encore moins cher que ça. C'est-à-dire qu'il perd déjà 14 points de différentiel de TVA qui sont invisibles pour le consommateur, puisque le livre numérique n'est pas soumis à la loi Lang, n'est pas soumis à la TVA à 5,5. Une autre problématique pour les éditeurs, c'est que le livre numérique n'est pas soumis à la loi Lang. Ça veut dire que si on ne trouve pas une parade, les revendeurs peuvent fixer peuvent négocier le prix qu'ils veulent pour le livre numérique, ce qui fait courir un danger essentiellement aux libraires, sachant que la loi Lang, c'est quelque chose qui a été fait pour protéger les libraires, c'est pas quelque chose qui est fait pour protéger les éditeurs. Ça protège les éditeurs parce que protéger les libraires, c'est protéger les éditeurs, vu que les libraires sont les gens qui vendent nos livres et qu'on a besoin d'eux, et ça protège aussi la diversité culturelle. Donc il y a quelques problèmes comme ça qui sont un peu des problèmes de cuisine, mais très importants, qui sont donc la TVA, le montant de la TVA sur le livre numérique, et puis le fait qu'il soit pour l'instant pas soumis à la loi Lang. Donc on a évoqué cette question du prix. C'est un domaine, le prix, sur lequel, comme beaucoup d'autres dans le domaine du numérique, il va falloir expérimenter. On sait, les éditeurs savent pertinemment que la vision du public du prix, et l'idée la plus répandue, c'est le livre numérique doit être très peu cher. Généralement, les gens qui fournissent des services, pour fixer un prix, on ne se base pas seulement sur la perception, sur l'idée que se font les gens de combien devrait coûter cette chose. Hein, c'est pas la seule façon de fixer un prix. Il faut aussi fixer un prix pour faire en sorte que l'entreprise qui fabrique le produit puisse continuer d'exister. Et il faut aussi fixer un prix à partir d'hypothèses consistant à dire qui vont, et puis un prix va évoluer dans le temps, c'est-à-dire qui va acheter des livres numériques maintenant, quel prix ces gens sont prêts à payer, à partir de quel prix j'amortis, à partir de quel prix je fais de la marge. Est-ce que le livre numérique est une occurrence du livre papier? Est-ce que je peux considérer que tous mes investissements sur le livre papier sont faits, sont amortis, et donc le livre numérique, c'est de l'argent en plus, avec assez peu d'investissement? Est-ce que, sachant qu'il y a des investissements en infrastructure pour le stocker, pour le fabriquer, pour le produire? Donc la question du prix du livre numérique, elle est très complexe, et il n'y a pas un consensus. S'il y avait un consensus sur le modèle économique du livre numérique, il y aurait un consensus assez facile à faire sur le prix. Là, je crois que chaque éditeur va avoir son approche, et puis la question du prix, elle va se stabiliser au fil du temps. Hein, on n'a pas de réponse toute faite là-dessus. Alors un autre exemple, alors je dirais qu'avec ce dont on vient de parler, on est dans quelque chose qui... On est dans juste le changement de support, c'est-à-dire qu'on reste complètement dans les paradigmes traditionnels de l'édition. Si l'édition numérique, c'était seulement ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire le fait de proposer au lecteur ses lectures sur un autre support que le livre, mais sans que l'objet livre, sans que le contenu ait été du tout modifié ou changé, ça serait juste un changement un petit peu, pas anecdotique, mais assez minimes finalement dans leur présentation, dans l'organisation de la chaîne de valeur. Le livre est numérique, bah oui. Alors voilà, mais il y a toujours un auteur, il y a toujours un éditeur, il y a toujours un distributeur, un diffuseur et un revendeur. Et voilà, des modifications qui sont assez minimes. On sait qu'à partir du moment où le livre devient numérique, il y a quand même des destins un petit peu différents qui s'ouvrent pour lui. Et même sur la liseuse, on a envie, au moment où on va numériser un livre, de se dire, puisqu'on n'est plus contraint par l'aspect matériel d'un livre, on a envie tout de suite, les éditeurs ont envie, évidemment aussi, d'enrichir le livre numérique, de lui adjoindre des informations. Un exemple tout simple. Comme on n'est pas limité, par le nombre de pages quand on fait un livre numérique. Vraiment, on n'est pas limité par le nombre de pages. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Quelque part, on peut ajouter tout son catalogue d'éditeurs à la suite d'un livre numérique, avec des liens, avec des liens vers ses livres. Donc, chaque livre peut être lui-même la publicité pour tous les autres livres de l'éditeur. C'est un exemple tout simple. Voilà. Mais la tentation, c'est aussi de dire... Bah oui, mais on peut aussi mettre de la vidéo, mais on peut aussi mettre du son, mais on peut aussi... Et ça existe aussi dans bien des cas. Pour l'instant, les expériences Kindle, Sony, c'est des simples transpositions numériques des livres existants. Voilà. On va maintenant regarder des expériences qui prennent la question un peu par un autre bout. Et... Alors, il y en a une qui est celle de Delilith. Alors là, c'est un exemple extrêmement différent. C'est-à-dire on oublie les habitudes, on réfléchit autrement, on sort du cadre et on propose un service. Là, l'idée, c'est on n'a pas beaucoup le temps de lire. En fait, ce qui est de plus en plus rare pour nous, c'est le temps. Donc, on va vous aider, nous, Delilith, à lire, à avoir une lecture intermittente facile. Donc, on va vous proposer de vous abonner à un livre et puis d'en recevoir des extraits fixés. Vous allez régler la taille de l'extrait, la durée de lecture de l'extrait et puis le moment auquel il vous arrive et puis vous y accéderez. Sur votre téléphone portable, sur votre ordinateur, sur l'outil de lecture de votre choix. Bah, c'est quelque chose, a priori, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout. C'est stressant. Voilà. Mais sauf que ça marche. Ça marche. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde a envie de ça. Hein, mais il y a des gens qui sont intéressés à ça. Alors... Au début, Delilith a proposé des livres gratuits du domaine public. Vous pouvez s'abonner aux Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Moi, je l'ai fait pour essayer. Et puis, tous les jours, je recevais une ou deux pages. Après, je les lis, je ne les lis pas, je fais comme je veux. Mais c'est-à-dire qu'on passe, d'un objet fermé à du flux, comme ça, qui arrive, qu'on a décidé de recevoir. Voilà. Ensuite, ils ont commencé à passer des accords avec des éditeurs pour permettre aux gens de s'abonner à des livres protégés par le droit d'auteur, et donc avec des abonnements payants, inférieurs en général à 10$ le titre. Et puis ensuite, ils ont commencé à mettre d'autres acteurs dans la boucle en proposant du sponsoring, c'est-à-dire pour continuer de proposer des livres gratuits, mais sous droit, aux lecteurs de Delilith. Eh bien, ils ont passé des accords avec des sociétés qui sponsorisent tel ou tel livre, généralement en relation avec le produit de la société. Donc c'est un modèle aussi, un modèle publicitaire d'une certaine manière, mais où la publicité n'est pas très invasive, parce que généralement ça consiste juste en un logo et un lien vers le site du sponsor. Et donc voilà, c'est une démarche particulière. Alors là, si j'ai choisi de mettre à la suite... l'expérience du Kindle, des liseuses, etc. Et cette expérience-là, c'est un peu pour montrer vraiment deux pôles complètement opposés de ce qu'on peut imaginer que va devenir la lecture. Ben, la lecture, ça peut devenir aussi ça. Pas une forme de lecture pour certains lecteurs, bien sûr. C'est des domaines sur lesquels on ne peut pas être trop dogmatique. Mais les fragments peuvent être compilés ? Oui, ça arrive sous forme d'un flux RSS, bien sûr, oui, ça arrive tout doucement. Donc on peut lire, oui. Au bout d'un moment, on peut lire tout d'un coup. Oui, mais si c'est l'objet, vaut mieux le télécharger directement en entier, quoi. Non, là, l'idée, en fait, c'est que votre livre vous accompagne, quoi. Votre livre vous accompagne, qui vous arrive. Vous prenez un rendez-vous avec un moment de lecture. Bon. On reçoit du courrier, quelqu'un pense à vous. Voilà, quelqu'un pense à vous. Voilà. C'est le principe du feuilleton, en fait. C'est pas tout à fait le principe du feuilleton, parce que là, on prend des livres déjà écrits, et on les découpe en morceaux, et on les lit en morceaux. Le principe du feuilleton, dans le feuilleton, il y a quelque chose de l'ordre de... On peut publier en feuilleton un livre déjà écrit, mais le principe du feuilleton, c'est quand même l'idée que l'auteur l'écrit au fur et à mesure, et qu'il organise aussi son épisode de manière que... À la fin de l'épisode, au moment où on tombe sur à suivre, on meurt d'envie que ce soit déjà la semaine prochaine pour savoir la suite. Donc il crée un désir d'attention, un désir de savoir la suite. Bon. Mais c'est intéressant que vous soyez abonné au Fleur du Mal. En fait, c'est peut-être quelque chose pour relire, quelque chose qu'on a aimé et qu'on reçoit régulièrement. Peut-être que c'est une autre façon de lire. Je crois que sur ce genre d'offre, de service, tous les comportements sont imaginables. Je pense qu'il faut vraiment... les ouvrir, imaginer, anticiper sur des comportements de lecture possibles, mais s'attendre à avoir des surprises dans les usages réels que font les gens, et donc suivre ces usages de très près. Mais ça a été mesuré. Sociologiquement, qui s'abonne à ce genre de choses? La clientèle des... Ça, je sais pas. Je sais que c'est un service qui est aux États-Unis et qui avec un catalogue qui est international, mais qui est quand même connu plus aux États-Unis pour l'instant, et avec une majorité de contenu en anglais. Alors, j'ai pas d'informations sur les... Ils n'ont pas publié d'études sur... ils l'ont certainement fait, je pense, hein, mais on communique pas forcément toujours sur ces questions. Alors, pour parler de Google, on a deux solutions. Et là, je vais vous demander votre avis. Soit on parle de Google, comme on vient de parler des autres questions, soit on profite, et c'est juste seulement si vous avez envie, soit je peux, si vous le souhaitez, vous expliquer un petit peu en détail ce qu'est le Google Book Settlement, si vous le souhaitez. Parce que c'est un dossier que j'ai étudié d'assez près. Pas pour en faire une analyse, parce que déjà pour expliquer ce qu'il comporte, de quoi il s'agit, etc., ça prend un petit peu de temps. On n'aura jamais, si on se lance dans une analyse et dans un que faut-il en penser, là on en a pour la journée. Donc si vous voulez, je vous propose de juste vous exposer ce dont il s'agit, et puis après d'essayer de continuer. Ça vous convient? Oui, hein? Donc on a parlé tout à l'heure de cloud computing. Pourquoi est-ce qu'on parle de cloud computing? Vous voyez le schéma à droite, c'est un schéma tout à fait banal que j'ai piqué sur Internet, qui montre que le petit nuage ici, c'est la façon dont, quand des architectes de l'information font des schémas informatiques, d'organisation, d'architecture informatique, depuis qu'Internet existe, tout ce qui se passe sur Internet dans leur système, ils l'inscrivent dans un petit nuage. Et quand on parle de cloud computing, c'est par référence à ce nuage utilisé par les informaticiens pour exprimer, disent, bon alors ça se passe sur le serveur qui est dans la salle truc, ça se passe sur le serveur qui est dans le machin, et puis tout ça va se passer sur Internet, et là, comme on ne sait pas trop où sont les serveurs, qu'on ne sait pas trop, c'est le nuage. Voilà ce que c'est en fait le nuage. Quand on disait tout à l'heure c'est numérique, c'est gratuit, c'est pas cher, c'est immatériel, ben en fait le numérique c'est pas immatériel. Donc ça c'est ce qu'on appelle une ferme de serveurs construite par Google. Il y en a plusieurs dans le monde entier. Google en construit sans arrêt. Il est construit dans des zones froides, hein, généralement, parce que les serveurs produisent beaucoup de chaleur et il faut en permanence refroidir ces endroits. On appelle ça des data centers. Il n'y a pas que Google qui construit des fermes de serveurs. Il y a aussi Amazon, on l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi Microsoft et d'autres. Ils sont très puissants, ils ne sont pas très nombreux. C'est en quelque sorte des usines informatiques. Et il faut savoir que quand on parle du Web 2.0, le Web 2.0 ne peut pas exister s'il n'y a pas ces usines informatiques. Puisqu'il y a de l'information qui est stockée énormément, de plus en plus, tous les jours, des teras et des teraoctets d'informations. Et des pétaoctets, je ne sais même pas l'unité pour les... C'est absolument monstrueux. Et donc cette information, il faut bien la stocker quelque part. Mais c'est là qu'on la stocke. Quand vous utilisez votre messagerie Gmail, si vous en avez une, si vous utilisez Flickr, si vous avez un blog, si vous mettez des vidéos sur YouTube ou sur Dailymotion, et ben voilà, ça c'est un chantier, ça c'est pas le data center lui-même. Donc le Google Book Search, le projet de Google, c'est une façon de dire, est-ce qu'on va mettre tous les livres dans les nuages ? Actuellement, le projet de Google tel qu'il existe déjà, et que vous écoutez déjà probablement, rapidement, on affiche les résultats dans des listes qui ressemblent à ça. Si on clique sur l'existentialisme, on va avoir un petit peu plus d'infos. Ensuite, si Google a numérisé l'ouvrage, on va pouvoir accéder, si le livre est sous droit, ce qu'on appelle des snippets, des petits extraits du livre, qui ont été l'objet du contentieux de Google avec les éditeurs américains et européens. Il est possible de feuilleter un certain nombre de pages. Parfois, si un éditeur a passé un accord avec Google pour que son livre soit présent dans la base de Google, et pour montrer quelques pages, quand on arrive sur des pages qui sont réservées, on a un message. Ça, c'est juste un petit rappel de, je pense que vous connaissez tous, hein, mais de comment on se présente un petit peu Google Books. Et puis, on peut aussi avoir le livre entier qui s'affiche quand c'est un livre qui est dans le domaine public. Notez à droite de l'interface une liste de libraires qui ont passé des accords avec Google pour que l'internaute qui tombe sur le livre puisse directement aller acheter le livre en version imprimée chez eux. Donc, qu'est-ce que c'est cet accord de règlement dont les journaux nous parlent tous les jours en ce moment ? C'est un accord qui est intervenu suite à une action en justice qui a été intentée d'abord par des éditeurs privés individuels, qui étaient McGraw-Hill, Pearson Education, Penguin Group, Simon & Schuster et John Wiley, et qui ont été aussi rejoints par en fait, l'Association des éditeurs américains, l'AAP. Les premiers à tirer, ça avait été l'Authors Guild, c'est les auteurs américains, une association d'auteurs. Et donc, ils ont intenté un procès à Google parce qu'ils étaient absolument furieux que Google numérise sans leur accord des livres sous droit dans les bibliothèques américaines. Alors, la position de Google par rapport à ça, ça a été de dire nous n'infreignons pas la loi américaine. Le fait de scanner des livres, Google ne montre jamais totalement le contenu des livres qu'il scanne quand ils sont sous droit. Il montre des snippets. Et il considérait que le fait de scanner les livres, de les indexer, de permettre la recherche dans leur contenu et de faire apparaître les snippets, ça, quelque chose qui relevait de ce qu'on appelle le fair use aux États-Unis, qui est une exception au droit d'auteur, si cette exception est pour le bien du public. Enfin, je ne vais pas me lancer dans un débat juridique, mais il y a un certain nombre de conditions qui font que le fair use est applicable. Donc la position de Google depuis le début, c'est de dire nous n'enfreignons pas la loi, ça relève du fair use. Le procès a duré un certain nombre de... enfin assez longtemps, et au bout d'un moment, Google, les éditeurs américains, l'association des éditeurs américains, l'association des auteurs américains ont signé un compromis. Ça veut dire, simplement le fait qu'ils aient signé un compromis, ça veut dire que la justice américaine ne tranchera pas la question du fair use. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais, si le procès était allé au bout, ce qu'aurait déclaré la justice, est-ce que ce qu'avait fait Google était légal ou illégal. Les éditeurs et les auteurs américains ont conclu un accord avec Google qui a surpris beaucoup de monde, parce que cet accord ne faisait pas que régler la situation présente. C'est-à-dire, on aurait pu imaginer qu'ils se mettent d'accord avec Google sur un fonctionnement qui consiste à être dédommagé pour... ils auraient pu trouver un accord financier et point barre. Non, ils ont trouvé un accord qui est extrêmement structurant parce qu'il va organiser, si il est validé par la justice, une partie du marché du livre numérique pendant des années. Donc, à l'issue de cet accord qu'on va décrire... Les ayants droit, ah oui, très important à dire, ce procès avait pris la forme d'une class action. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les plaignants, enfin les gens qui ont intenté le procès à Google, ont réussi à qualifier leur action en justice pour qu'elle concerne l'ensemble des gens qui faisaient partie de la même classe qu'eux. Ça veut dire qu'ils considèrent qu'ils parlent au nom de l'ensemble des éditeurs qui ont un copyright aux États-Unis et de l'ensemble des auteurs. Ça veut dire que les éditeurs, tous les éditeurs américains et tous les ayants droit américains, soit des éditeurs ou des auteurs, mais aussi tous les éditeurs et les ayants droit et autres ayants droit des livres présents dans les bibliothèques américaines et scannés par Google, donc des éditeurs du monde entier, des Français, des Japonais, des Coréens, des Norvégiens, des Sud-Africains, sont engagés par cet accord. Comme ça. Donc ça, c'est un point très important à comprendre pour comprendre que cet accord a soulevé des réactions importantes dans le monde entier, parce qu'en fait, il engage des éditeurs du monde entier. À l'issue de cet accord, alors, ceux qui sont offusqués, finalement, ou pas d'accord avec le fait de faire partie de cette class action, ont la possibilité de signifier le fait de dire, ont une date limite pour dire: Je considère que je ne suis pas engagé, je ne veux pas faire partie de ça, je ne veux rien avoir à faire avec ça. Ils avaient jusqu'au 4 septembre dernier, donc il y a peu de temps, pour sortir du règlement. Et pour ça, il fallait qu'ils fassent une démarche. C'est-à-dire que si on ne faisait rien, donc si on ignorait aussi l'existence de cet accord ou les enjeux de cet accord, en ne faisant rien, par défaut, on est, en tant qu'ayant droit, auteur ou éditeur, engagé par les termes de l'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Il y a, d'une part, une compensation pour les usages passés de Google. C'est-à-dire que Google a décidé de consacrer environ 45 millions de dollars pour indemniser les éditeurs sur le préjudice qu'ils estiment avoir subi avec le fait que Google ait scanné leurs livres sans autorisation. Et donc, ça représente 60 dollars par ouvrage, 15 dollars par hors-texte, 5 dollars par courte citation. Si l'accord est validé, un éditeur ou un auteur qui souhaite toucher cette somme-là va devoir revendiquer ses livres, c'est-à-dire va devoir aller sur la base de données de Google, regarder quels sont les titres que Google a numérisés, en faire la liste, signifier à Google qu'il est bien un ayant droit pour ces livres-là, pour ensuite recevoir le dédommagement associé au titre. Au terme de cet accord, Google pourra continuer à scanner les livres de bibliothèque sans la permission des ayants droit. Donc ça, c'est quelque chose qui engage l'avenir. Ce qui est un peu nouveau, parce que généralement, les class actions, c'est quand même destiné à régler des actes, des agissements passés. Ensuite, qu'est-ce que pourra faire Google avec ces livres au terme de suite à l'accord avec les éditeurs américains? Alors, là, il y a un régime qui est différent pour les livres qui sont encore commercialisés et les livres qui ne sont plus commercialisés. Pour les livres encore commercialisés, les livres qui sont toujours vendus dans le commerce, on est ce qu'on appelle sur le principe de l'opt-in. C'est-à-dire que par défaut, Google ne montrera pas le contenu, ne proposera pas, n'inclura pas ces livres dans son projet. Et... pour les livres qui sont considérés comme épuisés, c'est le principe de l'opt-out, c'est-à-dire que Google inclura ces livres dans son offre, sauf si l'éditeur signifie expressément qu'il ne le souhaite pas. Donc, ce qu'on appelle les actes de représentation, les display use, c'est tous les usages que Google compte faire de ces livres. Donc, les usages qui existent déjà, présentation d'extraits en réponse à la recherche d'un internaute, la vente d'espace publicitaire. Ce qui est nouveau, c'est la vente d'abonnements aux institutions d'enseignement, administration, bibliothèque. L'accès gratuit à cette base sur un poste dans chaque bibliothèque publique. La vente aux consommateurs d'accès en ligne à l'unité. C'est-à-dire que, alors tout ça est limité au territoire américain. Le projet de Google, pour l'instant, concerne des livres du monde entier, mais ne sera accessible que sur le territoire des États-Unis. C'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Tout le monde s'imagine que Google crée. Parce que les messages des journaux, c'est Google crée la bibliothèque mondiale. Alors, Google numérise des livres, effectivement, venus du monde entier, mais pour l'instant, le projet qui est inclus dans ce règlement ne concerne que le territoire américain. Ça ne veut pas dire que Google n'a pas l'intention de le décliner ou de le généraliser à d'autres régions du monde, mais pour l'instant, ça concerne le territoire américain. Et puis, le règlement laisse la porte ouverte aussi à d'autres types d'exploitation qui pourraient être négociés par la suite. Donc on a impression à la demande, téléchargement de PDF, hein, beaucoup de choses, ou téléchargement d'autres formats d'ailleurs. Voilà. Alors ensuite, l'accord financier avec les ayants droit, c'est à partir du moment où on va commercialiser, c'est-à-dire vendre l'accès à ces livres, l'accès aux bibliothèques, l'accès à des particuliers, 63% des revenus iront aux ayants droit. Ou qui se trouve dans le monde. Absolument. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que ça passe? Alors, un des aspects les plus importants et les moins bien connus aussi de ce règlement, c'est que qu'est-ce qui va administrer tout ça? C'est-à-dire le fait de passer des contrats avec les bibliothèques, percevoir les abonnements et répartir ensuite les revenus entre Google et entre les différents ayants droit des livres qui vont composer cette offre. Donc les auteurs, les éditeurs et Google se sont mis d'accord pour créer un registre qui sera financé au départ par Google, mais qui sera indépendant de Google, et qui sera administré par moitié pour les éditeurs, et pour moitié par les auteurs. Ça ressemble un petit peu à une société de gestion collective, hein. Et donc Google finance à hauteur de 34 millions de dollars son établissement. Et il est prévu que cet organisme ensuite se financera en prélevant en prélevant 10 à 20% des revenus reçus par Google. Il est prévu aussi par le règlement que ce registre sera en principe accessible à d'autres acteurs que Google. C'est-à-dire que si un autre acteur décide de numériser des livres et a besoin des services du registre pour répartir les revenus tirés de l'activité autour de ces livres, ou pour proposer des abonnements en bibliothèque, il pourra utiliser le registre. Donc le calendrier de tout ça, au 5 janvier dernier, Google a ouvert sa base de données de liste d'ouvrages numérisés pour permettre aux gens d'aller regarder quels étaient les ouvrages qui avaient été numérisés. Alors, pour donner une idée, dans le groupe dans lequel je travaille, ça a pris quand même énormément de temps pour aller compter nos livres, pour savoir combien, marque par marque, de livres avaient été déposés par Google. Pourquoi ? Parce que simplement, les métadonnées utilisé par Google pour sa base qui comporte des millions de livres, en fait, il a agrégé pour créer sa base bibliographique, plusieurs sources, bibliographiques, et tout ça a été fait automatiquement. Donc pratiquement toutes les erreurs qui existaient ont été laissées, des doublons existent. Si par exemple, je vais vous donner juste un exemple tout simple, si je cherche, si je veux savoir combien de livres de chez Belfond Google a numérisé, il faut que je tape Belfond, édition Belfond, Belfond édition, enfin toutes les façons dont quelqu'un a pu. Alors en plus Belfond c'est un mauvais exemple parce que c'est un mot original qui n'a pas de doublon, mais qui n'a pas beaucoup de. Si je tape, je ne sais plus, Pocket, par exemple, les éditions Pocket, on peut s'amuser. Les éditions Pocket dans le monde, il y en a quelques-unes. Donc pour savoir lesquelles éditions Pocket sont les nôtres. Donc il y a un travail de recherche pour savoir connaître le nombre de livres Google, présents dans la base de Google, numérisés par Google ou susceptibles de l'être. C'est un travail important à faire et pas simple, et c'est très difficile d'arriver à un chiffre tout à fait précis parce qu'il y a beaucoup d'erreurs possibles. Donc jusqu'au 4 septembre dernier, Google et les auteurs et éditeurs américains devaient faire savoir au monde entier l'existence de ce registre, l'existence de ce projet, et notifier aux personnes concernées le fait qu'elles devaient s'occuper de savoir si elles sortaient ou pas du règlement. Et il y avait la possibilité aussi de déposer des objections auprès du juge américain. C'est-à-dire qu'on peut. Alors pour ça, il faut pas sortir de règlement. Quand on sort du règlement, on n'est absolument plus concerné, mais on ne peut ni faire d'objection sur le fond, ni gérer les ouvrages qui sont déjà numérisés par Google. C'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser le service. Donc la seule chose qu'on se réserve comme possibilité, c'est d'attaquer Google en justice. Si on sort du règlement, je ne suis pas d'accord avec le règlement et je conserve mon droit d'attaquer Google en justice. Sachant qu'il faut avoir les reins assez solides pour attaquer Google en justice. Le syndicat français des éditeurs a actuellement une action en justice contre Google qui va être plaidée dans quelques jours. Voilà, on va voir ce que ça va donner. On va savoir dans quelques semaines aussi ce qu'il en est de ce règlement, parce que pour l'instant, c'est encore qu'un projet de règlement qui a suscité beaucoup de réactions, beaucoup de discussions de la part de beaucoup des bibliothécaires américains. Il y a eu beaucoup de réactions en Europe, il y a eu des réactions des gouvernements, il y a eu des réactions des syndicats, il y a eu des réactions absolument de tous les horizons. Beaucoup d'objections ont été déposées et le débat est très très vif sur ce que ce règlement implique, ce qu'il instaure, ce qu'il permet. Alors donc si ce règlement est validé par le juge américain le 7 octobre, les ayants droit auront jusqu'au 5 janvier pour demander les compensations que le règlement fixe, c'est-à-dire pour demander les 60 euros par livre, donc pour faire ce travail, c'est-à-dire un délai assez court en définitive entre octobre et janvier prochain, pour faire toute cette recherche sur la base de Google et puis faire les démarches nécessaires pour réclamer la compensation. Et puis aussi pour indiquer avec les outils fournis par Google pour faire opt-out ou opt-in sur les livres de chaque éditeur. Alors des questions sur je ne sais pas si je vous ai bien fait un tour de la question. C'est clair pour vous ce règlement ? Donc, pour société d'édition, elle a pris quelle décision ? Pour l'instant, il y a extrêmement peu d'exemples de sociétés d'édition ou d'éditeurs qui soient sortis du règlement. Parce qu'en fait, c'est une solution qui laisse après très peu de. Supprimer les livres, le retrait des copies. quelque chose que vous envisagez ? Je crois que ça va être probablement l'attitude de la plupart des éditeurs de retirer. Je crois que pour l'instant on attend la décision du juge américain. Mais le grand mouvement, le mouvement le plus général, ça va être retirer les copies. C'est ce qui la plupart des associations d'éditeurs rentrent dans le règlement pour pouvoir retirer les copies. Le coût du retrait. Bah le coût c'est le temps passé à le faire quoi. Oui, mais ça va vous coûter de l'argent, enfin ça va coûter de l'argent à tous les éditeurs, ça se coûte, il est supporté. Alors il y a des pays dans lesquels ça va être fait par des organismes équivalents du CFC, il y a des pays dans lesquels les éditeurs vont confier une mission à. Non mais ça a un coût tout ça, c'est sûr. Parce que vous vendez quand même avec Google Books finalement, puisque si le livre est pas. Parce que si vous ne retirez pas, le livre ne sera pas pour autant un libre accès complet. Il sera toujours par snippet et par extrait. Donc en fait, les gens achètent par Google Books. Non, à partir du moment où Google va proposer une offre commerciale aux bibliothèques. Ah oui. Ils vont plus acheter. Ça veut dire que quelque part, si on laisse nos livres, oui. on va accepter un deal auquel on n'a pas participé, quoi. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est intéressant. Ils vont continuer à numériser quand même les livres, dans vos livres, ils vont continuer à le faire. C'est bizarre, ça. Vous allez retirer le 5 avril 2011. Alors, il y a une chose pour Google. Ils vont détruire, évidemment, la numérisation. Non, ils ne détruisent pas, ils enlèvent l'accès. Ils s'engagent pas. Il y aura un opt-out dans 50 ans. Oui. Mais déjà, dans le système actuel, un éditeur peut parfaitement envoyer à Google une liste d'ISBN en disant enlever ses livres du fait de montrer les snippets. Pour beaucoup d'éditeurs, ça paraît comme quelque chose d'intentatoire au droit d'auteur. Le simple fait de scanner sans autorisation, pour beaucoup d'éditeurs, c'est une atteinte au droit d'auteur. Sachant que les projets concurrents de bibliothèques numériques qui existent, les gens qui les contactent les éditeurs et demandent l'autorisation pour le faire. Alors, et c'est vrai que c'est beaucoup plus lent. Quand on demande la permission, c'est beaucoup plus lourd et c'est beaucoup plus lent. Voilà. J'aimerais vous arrêter. La British Library a développé British Library Direct, qui, si vous faites l'exposé ou un ISSN et donc sur des séries, numérise à grande vitesse les collections entières d'éditeurs sans jamais les avoir contactés. J'ai retrouvé 234 de mes livres sur le Shadow Direct. Ils sont vendus très cher. Et il y a un copyright fee qui, en vertu des accords bilatéraux entre différents États et l'Angleterre, revient à la société qui perçoit le droit du producteur. Gouvernementale et qui progressivement est passé du prêt de livres à l'échange de photocopies et naturellement de la photocopie au PDF. Et quiconque relève d'un pays considéré comme relevant de l'influence linguistique germanique, comme l'Allemagne, Liechtenstein, l'Autriche et la Suisse, peut à titre d'internaute privé commander le PDF à condition de se limite au droit de citation, mais qui est considéré comme très extensif, il suffit de ne pas commander tout le livre, mais de la page 19 à la page 384, si c'est un livre de 420 pages, pour le recevoir au format PDF pour le prix de 5 euros. Jamais aucune autorisation n'a été demandée. C'est le même cas avec une liste en France ? Oui, c'est vrai. En France, c'est plus cher. J'allais dire à la France, c'est le même cas avec une liste. Et c'est le même cas avec la Bibliothèque nationale de France qui, des années durant, et d'ailleurs en tournant maintenant, mais c'est ce que ça n'a pas pris, a proposé l'acquisition au service de la production de PDF d'images à des prix fixes par page qui sont très élevés et qui, je peux vous l'assurer, parce que moi-même je commande mes propres livres pour voir si on va me demander le droit, n'a jamais fait l'objet d'une autre. Je travaille dans une maison d'édition qui a été créée en 1924. Les ouvrages ne sont pas encore tournés dans le domaine public. Chez Subito, je commande régulièrement des ouvrages pour 5 euros que j'ai publiés 3 semaines, enfin qui sont sortis presque 3 semaines ou 4 semaines. C'est formidablement bien organisé. J'en commande à Hambourg, à Dresde, à Munich. Et mensuellement, je reçois une facture récapitulative de la centrale comptable de Berlin, parce que c'est facile. Face à de telles manifestations qui se font absolument en dehors de toute base légale, il faut quand même se rendre compte qu'il est possible de discuter avec Google. Mais tout le monde discute avec Google. Les éditeurs discutent avec Google. Voilà. C'est... Les éditeurs font un procès. Il y a des raisons de le faire, bien sûr, parce que le programme bibliothèque pose d'énormes problèmes de respect du droit. Et évidemment, le droit d'auteur, le droit moral de l'auteur qui lui est imprescriptible. Dans le cadre des contrats non pas bibliothèque, mais partenaire éditeur avec Google, il est possible d'établir une base juridique qui nous semble honnête. Nous avons signé un contrat avec Google. Tous les auteurs qui ont fait l'objet de scanning, mais d'un scanning délibéré, déclenché par la maison d'édition, les auteurs ont été contactés. Alors, là, on revient à ce que vous dites, c'est un coût sur le temps. Il faut engager un secrétaire juridique, contacter 1200 auteurs, discuter avec eux, leur expliquer leur projet, faire sortir du référencement tous ceux qui ne veulent pas y entrer. Non, mais ça, il y a. Il faut bien différencier ce projet dont on parle, issu du règlement Google, et puis le fait que Google propose des partenariats aux éditeurs. Google est un acteur comme les autres, et il a une offre, et il peut aller voir des éditeurs, et n'importe quel éditeur a le droit de discuter avec Google. S'il considère que c'est son intérêt et l'intérêt de ses auteurs, il n'y a pas de problème avec ça. Quoi. Après, c'est le meilleur gagne, on s'entend, on ne s'entend pas, voilà, c'est... Ce qui est particulier dans le cadre du règlement, c'est que là, il ne s'agit pas du tout de... Enfin, là, des gens qui n'ont pas été à la table de négociation sont concernés et sont embringués dans quelque chose sur lequel ils n'ont pas été consultés. Donc en fait, les éditeurs ont une proposition qui est... C'est à prendre ou à laisser. Voilà, on a décidé que ça serait 63%, ça a été négocié, donc maintenant, vous venez ou vous venez pas. Voilà, les autres reproches faits. Oui. Quand, par opposition à Google, j'ai entendu dire que les grands acteurs européens ne travaillent pas comme ça. Je peux vous assurer qu'à la petite chaîne de l'économie. Oui, il peut y avoir des abus. Google n'a pas le monopole. Oui, bien sûr. Ils travaillent tout à fait autrement et qu'il n'y a aucun respect du droit d'auteur. Ben oui, mais je. Mais c'est vrai aussi que quand une nouvelle technologie apparaît, c'est presque inévitable qu'il y ait des espèces de zones de non-droit qui existent pendant un moment. Oui, non, mais j'en suis d'accord. Et puis bon, c'est pas le domaine dont. Même chez Google, on n'ose pas dire parce que la nouvelle technologie arrive, il y a des zones de non-droit. Non, mais c'est. Il existe des abus. Je sais pas. Moi, je c'est vraiment là, je sors de mon domaine de compétence. Je travaille vraiment dans le. Sur les accords interbibliothèques, etc. Voilà, je peux pas trop vous répondre. À l'évidence, faut respecter la loi, quoi. Et après, arriver à être vigilant et à trouver des fonctionnements où qui à la fois donnent l'accès et à la fois préservent les intérêts des gens qui fabriquent et qui écrivent et qui publient. Enfin, on est tous d'accord là-dessus, quoi. C'est pas qu'un problème de loi, parce que si c'est un problème moral aussi, parce que dans le cas de l'INIS, par exemple, on vend des copies d'articles que nous aurions pu proposer en libre accès, vers lesquels on ne renvoie pas. Le problème pour moi, de mon point de vue, il est là, il n'est pas sur la question de reversement de droit d'auteur, au droit de copie, ce que le féministe, hein, il respecte la loi en ce sens, mais d'un point de vue scientifique et donner l'accès à ce qui est en libre accès, ça n'est pas fait. Alors que nous faisons partie du même organisme, par exemple. Donc là, on revient toujours à un problème de loi, mais c'est aussi. Le problème moral des institutions qui devraient réfléchir. Voilà. Mais essayer de faire entendre le projet d'un peu beaucoup d'usage, c'est pas une vie, c'est tout à fait concret. Bon, j'ai dit qu'on ne rentrerait pas vraiment dans le débat parce qu'on n'en finirait pas, c'est très long c'est passionnant. Pour résumer deux grandes positions par rapport à ce débat, il y a une position qui consiste à dire simplement ce que Google a fait est inacceptable. Et il est hors de question de laisser les choses dans l'état et on va se battre pour que ce règlement ne voit jamais le jour, qui est une position. Il y a une autre position qui consiste à dire Google a fait ça, on ne saura jamais si le fair use était ou non invoqué à juste titre. Mais voilà, c'est... On est dans du fait accompli et puis voyons voir ce qu'on peut faire à partir de cette base dont on ne saura jamais d'un point de vue juridique si ça, on est ou pas. Et partons du principe que Google a fait quelque chose que personne d'autre a fait, quoi, en termes quantitatifs. C'est-à-dire que ce qu'ont du mal à faire les institutions, comme la BNF, etc., c'est d'aller aussi vite que Google pour numériser. Après, on peut aussi dire, est-ce qu'il y a tant d'urgence? Alors, donner accès, oui, mais donner accès comment? Donner accès à quel prix? Donner accès à quelles conditions? C'est un débat qui est vraiment avec des ramifications très, très nombreuses et très importantes. Il y a une approche, les éditeurs américains ont une approche très pragmatique, c'est business, c'est-à-dire c'est, voilà, Google, ça va être un canal de vente, il va ouvrir un marché, il va redonner vie à des livres qui étaient épuisés, auxquels personne n'accédait et dont les éditeurs ne tiraient plus aucun profit, ça va permettre de générer des revenus pas très élevés, mais tout confondu, sur des masses très importantes, pas beaucoup de revenus, mais multiplié par beaucoup, ça va finir par faire des revenus pour les groupes d'édition qui ne seront pas forcément négligeables. Et donc voilà, donc il y a des de toute façon, les éditeurs américains ont conclu l'accord, donc ils l'ont conclu, ils ont considéré que s'ils n'avaient pas été d'accord, alors ils sont pas obligés tous, ils ont la possibilité de le faire ou de pas le faire. Après, il y a des stratégies, on peut dire je laisse mes ouvrages épuisés, je mets pas mes nouveautés parce que je veux pas concurrencer tel ou tel circuit de distribution. Ça, c'est l'éditeur qui fait comme il veut. Mais il y a vraiment des positions très, très, très, très variées, voilà, selon les acteurs. Il y a aussi des positions qui sont pas du tout sur l'histoire de la protection du droit d'auteur, mais au contraire, qui sont des positions en disant, certes, Google va donner l'accès, mais Google va avoir le monopole de l'accès. Et ça, c'est peut-être ceux qui parlent le plus fort en ce moment. C'est-à-dire d'autres institutions comme Internet Archive aux États-Unis qui font aussi un travail de numérisation et qui disent à partir du moment où Google va avoir conclu cet accord, il aura le droit, par exemple, de commercialiser les fichiers numériques des œuvres orphelines. Il sera protégé d'un éventuel ayant droit qui surgirait en disant « je n'ai pas donné d'autorisation, vous n'avez pas le droit », il sera protégé par l'accord. Mais un autre acteur qui veut numériser et qui veut faire la même chose ne sera pas protégé par le règlement et lui sera susceptible d'être attaqué par un ayant droit. Donc ça crée de fait un monopole de Google sur les œuvres orphelines. Il n'y a pas pour autant de propriété sur les œuvres orphelines. Google n'acquiert pas de droit pour autant. Non, de toute façon, dans le cadre de ce règlement, Google n'acquiert aucun droit. Aucun droit. Il n'y a pas de transfert. On ne transfère pas le droit d'auteur. Ça, c'est pas du tout. Mais il obtient l'autorisation de faire du commerce avec ses fichiers numériques. Donc c'est bon, on pourrait vraiment discuter des heures là-dessus. C'est une question qui est extrêmement complexe et qui est très engageante pour l'avenir, parce qu'à cause de sa dimension, à cause du nombre d'ouvrages qui sont concernés, et c'est extrêmement difficile de prendre une position simple. En ayant en tête toutes les implications, parce qu'en fait, je pense qu'elles échappent à beaucoup, quoi. Le règlement, il fait 150 pages, plus tous les appendices. Déjà, pour comprendre exactement de quoi il retourne, et ensuite pour imaginer, anticiper les conséquences du règlement à cette échelle-là, c'est extrêmement difficile. Rien qu'en cela, c'est une charge et un coût, même si on n'a rien demandé, les éditeurs sont obligés de s'intéresser, de se payer, peut-être d'embaucher. C'est-à-dire qu'en agissant de cette manière, on a été convoqué sur quelque chose, quoi. On a été absolument obligé de faire quelque chose, un peu violenté, pour parce que ne rien faire, c'était déjà accepter quelque chose. Et puis après, ensuite, ne rien faire, ça sera encore, continuer de ne rien faire, ça sera encore accepter un usage des ouvrages en tant qu'éditeur et en tant qu'auteur. Donc voilà, alors on saura dans quelques semaines l'issue de ce projet de règlement. Je voulais vous demander pour le 5 avril 2011, la deadline de cette possibilité de retrait par les ayants droit, qui ont participé au retrait de leur du scanning de leurs livres. C'est vraiment le retrait des scans de serveurs de Google, à savoir leur description. Puis c'est simplement fermeture de l'accès. Je crois que c'est le retrait des copies, mais je crois qu'après, quand on fait opt-in, opt-out, on enlèvera l'accès. Mais je pense qu'ici, il y a une date limite, c'est pour vraiment avoir une un effacement. Voilà. En fait. Voilà. Après. Il faut pouvoir le vérifier. Voilà. C'est un peu. Bon, il ne nous reste pas énormément de temps. Je crois que je vais être obligée de faire quelques... Je vais peut-être sauter le point suivant, parce qu'on l'a évoqué hier, je ne sais pas si vous étiez tous là, mais à la conférence avec Lux Poren sur l'impression à la demande. Et j'aimerais bien vous parler rapidement de deux autres projets. Alors, c'est évidemment pas la même envergure que le projet de Google. Mais ils sont tous les deux intéressants. Tout d'abord, je voudrais vous parler. Donc ça, je saute. Je voudrais vous parler d'un site américain. D'abord, qui présente quelques analogies avec le projet Google, pour quelques raisons. C'est un site qui s'appelle FileBy, qui... Quand je dis qu'il y a une analogie avec le projet Google, c'est que les gens qui ont monté FileBy ont commencé par monter une base de données en agrégeant plusieurs sources, en achetant aussi l'accès à des sources bibliographiques. Ils ont monté une énorme base de données des livres publiés sur le territoire des États-Unis. Et l'idée de cette base de données, c'est de l'orienter auteur. C'est-à-dire qu'ils ont, monté une base de données d'auteurs. L'objectif, c'est de faciliter la rencontre entre les auteurs et les lecteurs, et en fait de faciliter pour tous les auteurs le fait d'avoir une présence web. Qu'est-ce que c'est avoir une présence web ? C'est avoir une page web qui parle de soi, qui présente ses ouvrages, avoir un blog, avoir un lieu où on peut discuter avec ses lecteurs, avoir des outils qui permettent d'aller directement du livre à des endroits où on peut l'acheter, et pouvoir envoyer de l'information vers quantité d'autres flux et être présent sur différents réseaux sociaux. Donc FileBy propose ce service-là, mais de façon extrêmement massive. Et là où il y a un petit point commun avec Google, c'est qu'ils ont mis tous les auteurs, sans leur demander leur avis, ils ont créé cette base, et après, les auteurs américains peuvent revendiquer, c'est-à-dire peuvent aller sur leur fiche, ils ont leur fiche, ils ont leur page auteur, et ils peuvent dire oui, je suis bien cet auteur, et prendre possession de la page, prendre possession du service, et se mettre à se servir des fonctionnalités proposées par FileBy. Et ensuite, il y a deux niveaux. Alors, une grande partie du service est gratuit, c'est ce qu'on appelle le système du freemium, c'est-à-dire une grande partie du service est gratuit, et puis il y a des services plus chers, qui permettent de faire plus de choses et qui là sont payants. Et alors il y a aussi un niveau d'authentification qui consiste à dire je déclare que je suis bien cet auteur, Et puis, après, évidemment, quelque part, n'importe qui peut déclarer qu'il est n'importe qui, hein, en ligne, c'est pas compliqué. Et ensuite, il y a un niveau de plus, où là, c'est payant d'ailleurs. Je paye quelque chose, je paye avec ma carte bleue, et ma carte bleue sert à m'authentifier. Et là, ensuite, sur le site, j'apparais comme certifié. Le fait d'avoir payé, ça certifie que vous êtes bien l'auteur qui parle. Et puis ça vous ouvre l'accès à des nouveaux services. Voilà. Alors. Voilà, là on a une page d'auteur. On voit la petite étoile rouge ici. Il y a marqué Verified pour ceux qui sont loin. Ça veut dire qu'il a été. Lui, il a payé. Il a bien. On peut être sûr que c'est bien lui. Et la personne qui s'exprime dans les pages, c'est bien lui. Et ça marche ? Ça marche extrêmement bien. Alors j'ai lu hier, en consultant mes fils RSS, que l'université de Cambridge, je crois, a passé un accord avec Filed by Author pour inscrire massivement plusieurs dizaines d'auteurs des presses universitaires sur Filed by. Donc, c'est pas juste un objet auquel des auteurs individuels peuvent que les auteurs individuels peuvent utiliser, mais des éditeurs peuvent dire à leurs auteurs ou peuvent même payer pour leurs auteurs, c'est-à-dire peuvent acheter pour leurs auteurs ce service, de dire voilà, je vous ai acheté un accès dans File By et vous allez vous en servir pour communiquer sur vos livres et pour avoir une présence web maîtrisée avec des outils. Et en fait, pour débarrasser l'auteur du souci de se fabriquer lui-même son propre blog, sa page, voilà. Là, c'est quelque chose qui est déjà fait. Alors, toujours, comme on dit, customisable, on peut aménager, il y a des choix, etc. Voilà, voilà aussi un service qui est dans le domaine du livre, dans le domaine de l'édition, et qui montre aussi une évolution très, très importante. D'une part, où on rapproche les auteurs et les lecteurs, parce qu'il y a aussi une partie, on peut aussi s'identifier comme lecteur et indiquer, alors là un petit peu à la façon d'un library thing, c'est-à-dire indiquer ses lectures, créer des clubs de discussion, un peu de book club, ouvrir des espaces de discussion à propos d'un livre. En fait, c'est un réseau social qui est dédié, qui est spécialisé. Facebook est un réseau social complètement généraliste, on fait ce qu'on veut dans Facebook. On raconte, on parle d'animaux domestiques, de la dernière fête à laquelle on est allé. On fait ce qu'on veut avec Facebook, complètement. Enfin, dans les cadres proposés par Facebook, mais en termes de thématiques, de contenu, c'est un réseau généraliste. File By, c'est un réseau social qui est structuré autour d'une base de données de livres, mais orienté auteur, trié par auteur, avec l'entrée principale, c'est l'entrée auteur, et qui est destiné aux auteurs spécifiquement dédié au dialogue entre les auteurs et leurs lecteurs. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Là, on voit bien qu'on peut acheter des volumes, des livres. Est-ce qu'il y a aussi de la vente numérique ? Est-ce qu'il y a un module ? J'ai pas vu qu'il y ait de vente. En fait, il y a des liens vers les bibliothèques, vers des librairies partenaires. Et donc après, si le livre existe en numérique dans la librairie en question, on peut acheter la version numérique. Hein, mais j'ai pas été voir si dans les listes d'ouvrages, ils listaient les versions numériques des ouvrages. Je crois pas spécialement. Ils listent les titres. Voilà. C'est pas un site dédié à la publication numérique. Non. Enfin, c'est pas son objet. Oui, pas son manuscrit au fur et à mesure. Comme ça. Il y a eu des expériences comme ça. Mais non, c'est pas un site d'expérimentation sur le livre numérique. C'est un site de réseau qui montre l'usage qu'on peut faire des réseaux sociaux dans l'écosystème du livre, qu'il soit numérique ou papier. Mais c'est très important cette notion de dire que le numérique, ça concerne pas seulement le livre numérique. En tout cas pour les maisons d'édition, moi 95%, enfin pas 95 peut-être, mais 80% de mon boulot concerne le livre papier, alors que je suis une madame numérique dans mon petit monde. Parce que, on peut résumer ça en disant, on va pas vers une industrie du livre numérique, on va vers une industrie numérique du livre. C'est pas pareil. Ça veut dire qu'il y a le livre, dont une des instances est le livre imprimé, et puis il y a, avec le numérique, surtout avec le web, des pratiques qui se développent, qui changent, et qui change aussi la façon dont circulent les lectures, qu'elles soient des lectures sur papier ou lectures sur écran. Ce qui change essentiellement, c'est la relation entre l'auteur et le lecteur, et ça vient recomposer complètement ce qu'on appelait autrefois la chaîne du livre, et qui n'est plus vraiment une chaîne, quoi, qui est un réseau. Et où est le syndicat de l'édition sur ce genre de base de données ? Sur ce genre de... Sur ça ? Est-ce qu'il pense à faire l'équivalent en France ? Ben, est-ce que c'est son rôle, tout à fait ? Pourquoi pas ? Ça pourrait être un projet, je pourrais leur suggérer. Pour l'instant, au syndicat national de l'édition, on discute, on échange, on observe, et puis on essaie de pousser des dossiers qui sont importants, mais pourquoi pas ? Mais ceci dit, ça, c'est une entreprise absolument privée. Il y a un des fondateurs, est Mai Shatskin, qui est un consultant américain très spécialisé dans le domaine du livre, mais ça, c'est une entreprise privée. Donc après, les éditeurs pourraient s'entendre et puis monter un GIE pour fabriquer ce genre d'outils. Pourquoi pas, quoi. Mais c'est pas inscrit sur la feuille de route de cette année. Pour les chercheurs, c'est ça qui existait, tu vois. Mais on pourrait imaginer un file by français, quoi. C'est pas au niveau national. Ce serait CNRS pourrait faire ça pour ses chercheurs. CNRS édition. Alors on va finir en parlant d'une autre. Maison d'édition 100% numérique que Daniel Bourgnon a cité tout à l'heure. J'ai envoyé un message à François Bon en préparant qui est à l'origine avec quelques autres personnes de Publi.net, en préparant ce cours, en lui demandant de m'envoyer quelques informations sur le modèle économique de Publi.net. Et il m'a répondu notre modèle n'est pas économique, il est poétique. Je me suis dit, mais voilà ce que je vais écrire sur mon slide. Voilà, donc on a le projet Publi.net, qui est un projet dont le modèle économique est poétique et dont je vais essayer de vous parler un petit peu. Il a ajouté un petit peu quelque chose qui pourrait être une devise pour ce projet, qui est: de quel texte avons-nous besoin? Quel effort jugeons-nous utile de faire ensemble pour ces textes? Donc Publi.net n'a pas de modèle économique, mais Publi.net vend du livre numérique. Alors il a ceci de particulier et d'original qu'il ne vend pas des livres qui sont des livres qui ont d'abord eu une existence papier et qui sont ensuite numérisés pour être vendus sous forme numérique. Il n'y a pas de version imprimée des livres qui sont proposés sur Publi.net. C'est donc une maison 100% nativement numérique. C'est une coopérative d'auteurs. 50% du prix du prix public revient à l'auteur. Le catalogue est 100% numérique. Il y a différentes longueurs de texte, avec des tarifs, je pense que... voilà, avec des tarifs différents. Donc un téléchargement unitaire pour les textes longs qui est de 5,50€, 1,30€ pour des formes brèves. Et puis aussi, l'équipe de Publi.net développe des abonnements vers les bibliothèques. Alors c'est intéressant, les histoires d'abonnements à des catalogues de livres numériques en bibliothèque. Il y a vraiment des modèles différents les uns des autres. L'option qui a été prise par Publi.net, c'est ce qu'on appelle le all you can eat, c'est-à-dire en fait la bibliothèque s'abonne à l'accès en payant un montant annuel. Elle permet aux gens qui fréquentent la bibliothèque d'accéder à la totalité du catalogue et de façon illimitée en accès, pas en téléchargement. C'est-à-dire que il y a un autre modèle qui existe qui consiste à reconstituer un petit peu le monde papier en fabriquant la notion d'exemplaire. La notion d'exemplaire n'existe pas en numérique, puisque le fichier est infiniment reproductible. Une bibliothèque qui a un fichier numérique, le fait de dire je n'ai que 5 exemplaires de ce livre, ça ne peut être qu'une fabrication de toute pièce. C'est-à-dire, ça peut être qu'un engagement et un dispositif technique fait pour limiter le nombre de prêts d'un seul titre. Et ça, c'est le modèle qui est souvent choisi, qui est de dire, j'ai dans mon catalogue tel livre, les adhérents à la bibliothèque peuvent le télécharger, mais une fois que 5 adhérents ont téléchargé le livre, il y a un système de jetons, et le livre ne peut plus être prêté. C'est pas le parti qui a été pris par Publi.net. Eux, ils ont considéré que une fois que la bibliothèque a payé, l'accès est illimité. Pour l'année. 61 euros. Ouais, c'est annuel. Mais par contre, l'utilisateur consulte en ligne. Il ne télécharge pas le livre sur sa machine. J'avais envie, pour terminer, de parler un petit peu de l'origine de ce projet. Alors, l'idée du projet et tout le montage du projet revient à François Bon et à son équipe. Je monte des sites web et des blogs parce que c'est beaucoup des gens qui ont une présence internet forte. Il y a de nombreux auteurs de Remu.net qui ont participé à ce projet. La personne qui a réalisé le graphisme des couvertures, c'est Philippe de Jonquière qui a un site internet qui est une œuvre et que je vous conseille vivement d'aller visiter un jour, qui s'appelle désordre.net. Et puis aussi, ce projet s'est appuyé, je ne dis pas que tous les blogs ont été partie prenante du projet, mais s'est appuyé sur des conversations qui ont eu lieu dans ce qu'on appelle la blogosphère du livre. Un certain nombre de blogs, là j'en ai mis 4, mais il y en a bien plus que ça, qui sont des blogs qui s'intéressent aux questions du livre et du numérique et sur lesquels ont lieu des débats, des discussions, des interrogations, qui soient des interrogations comme celles qu'on a ce matin ensemble sur l'avenir du livre, sur les acteurs, etc., qui soient aussi des interrogations techniques sur les formats, sur... Bon. Et François Bon et son équipe ont été partie prenante de ces discussions qui les ont aidés à constituer, à évaluer, à imaginer, à monter leur solution technique, leur offre, la façon d'organiser. Et c'était assez intéressant. Donc je voulais terminer par quelques mots sur cette blogosphère. Blogosphère du livre, qu'on appelle parfois la bookinosphère. Il y a un éminent représentant de la bookinosphère au fond, et créateur peut-être du mot, la bookinosphère, Hubert Guillot, qui est un des premiers blogueurs historiques du livre numérique avec le blog La Feuille. Et autour de La Feuille, un certain nombre de blogs, et puis sans arrêt des nouveaux, parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, évoquent ces questions du livre, du numérique. Donc, et qui sont les blogueurs? C'est des auteurs, des éditeurs, des bibliothécaires, des lecteurs, des journalistes spécialisés. Enfin, il y a vraiment des gens avec des points de vue et d'horizons extrêmement différents qui viennent échanger sur ces questions. Là, je monte mon propre blog et j'ai juste fait un petit zoom sur une conversation un jour qui a eu lieu en 2008, l'année dernière. Et puis donc, je publie, alors moi je me contente de faire de la veille et puis de temps en temps de piquer une information qui me semble intéressante et puis de faire un petit papier dessus en donnant un angle, en amorçant une réflexion. Et l'essentiel du blog, c'est d'arriver à donner envie à autrui de venir commenter cette information et discuter. Et le plus grand bonheur du blogueur, en tout cas moi mon bonheur de blogueuse, c'est que des gens viennent discuter et confronter des opinions ou apporter d'autres informations sur le blog. Donc ça montre un petit peu ces dialogues qui ont eu lieu sur mon blog et bien sûr sur le blog d'Hubert d'un certain nombre. Dire aussi que la bookinosphère, c'est pas seulement virtuel. C'est vrai que j'ai connu Hubert bien longtemps uniquement, sans mettre ni une voix ni une figure sur son nom, ni un visage. Et puis un jour il y a eu une rencontre de la bookinosphère à Paris, un rendez-vous, et voilà, on s'est retrouvés tous à continuer ensemble dans la vraie vie, in the real life, une conversation qui avait été entamée en ligne. Et c'était une expérience tout à fait inédite que de rencontrer pour la première fois des gens avec qui on discutait depuis longtemps. Voilà, donc il y a des rencontres qui sont des rencontres purement conviviales qui sont organisées régulièrement, et puis des moments un peu plus structurés, d'échanges plus formels, qu'on appelle des book camps, dont un va avoir lieu dans quelques jours à Paris. Bon, là, je vais passer parce qu'on est vraiment hors temps. Donc là, je vais montrer juste quelques-uns des outils qu'on utilise pour échanger, pas seulement au sein de la bookinosphère, mais échanger en général sur le web. Voilà, donc pour terminer, vous avez pu le constater, il n'y a pas un modèle économique, il n'y a pas une voie. D'abord, il n'y a pas un livre, il y a des livres, on ne le répétera jamais assez. Donc le destin numérique des livres, il est extrêmement varié, à la fois selon les livres et selon par quels acteurs ces projets sont portés. C'est essentiel. Et en fait, plutôt que de modèle économique, on peut vraiment parler d'expérimentation, d'innovation, qui sont toujours le fruit, beaucoup plus que de savants calculs dans Excel, qui sont souvent beaucoup plus le fruit d'intuition, de paris, d'une compréhension assez intime, finalement, de ce que c'est que le numérique, de ce qui se passe aussi sur le web, parce que quand les gens assimilent le numérique aux techniques, avec une espèce de côté comme ça mécaniste, de dire voilà, ah c'est numérique, donc c'est technique, donc c'est les gens de la technique, c'est pas vrai du tout, parce que c'est pas seulement technique, bien sûr qu'il y a de la technique, mais c'est aussi social, c'est aussi des pratiques qui bougent, parce que le web, il est utilisé par tout le monde, il n'y a pas besoin d'être informaticien pour être sur le web, et ça influence énormément le comportement des lecteurs. Donc c'est important pour les éditeurs, pour tous les acteurs du livre, de comprendre ce qui se joue sur le web, la façon dont les gens échangent, les façons dont les gens s'en servent, qui sont très variées, très nombreuses, et d'aller investir ces territoires-là pour imaginer des offres adapté. Je pense que ce que disait Daniel Bourion tout à l'heure, que le bibliothécaire court derrière les usages de ses utilisateurs, qui évoluent très vite, eh bien, je pense que tous les acteurs du monde du livre et de l'écosystème du livre en sont là, s'ils veulent se préparer à demain, à observer les usages qui se développent dans les jeunes générations, chez les enfants, chez les adolescents, pour anticiper sur de quelles offres, comment on pourra leur présenter, quelle lecture on leur présentera, sous quelle forme. Et donc ça demande vraiment d'être constamment attentif et sans préjugés à l'égard de toutes ces pratiques qui se développent sur le web. Si vous voulez poser des questions, on peut se donner 5 petites minutes, mais je crois que c'est pas possible. Oui. Ah oui. Alors, massive même. Bah, si dans Read Write Book, vous avez un chapitre entier consacré à ça, bien sûr, on trouve quantité. Donc, tous les blockbusters du livre, les Harry Potter et tout comme ça, sont disponibles sur les réseaux en peer-to-peer tout de suite. Beaucoup de BD, beaucoup de mangas, et puis aussi beaucoup de livres informatiques. Ça veut dire qu'ensuite, ouais. Des fichiers qui ensuite se détruisent. Ah non, j'ai pas compris la question. Je pensais que c'était une question de surpiratage. Ça, c'est un modèle économique. Ah, des fichiers qui se détruisent au bout d'un moment. Oui, ça fait partie des modèles économiques, de dire on va vendre un fichier qui va s'autodétruire au bout d'un moment. C'est permis par les DRM, c'est-à-dire les systèmes de gestion des droits sur les livres. C'est... Je sais pas. Dans le monde, enfin, je veux dire pas techniquement, est-ce que ça, les gens ont envie d'acheter des objets qui se détruisent, pas des choses qui se détruisent. Bah en fait c'est un principe de location. Hein. C'est juste, c'est un principe de location. C'est pareil, enfin pour moi ce type de choses, c'est vraiment, oui, mais c'est vraiment retranscrire dans le monde numérique des pratiques du monde analogique, quoi. On peut, c'est quelque chose de, ça force un tout petit peu la nature même d'un fichier, de le programmer pour qu'il s'autodétruise. Bon, mais après, pourquoi pas, quoi. Si, il faut voir. Je ne sais pas si ça marche. Il n'y a pas assez. Pour juger de si ça marche, ce genre de choses, on n'a pas, pas assez de recul encore sur des. Après, tout dépend aussi du prix. C'est-à-dire, si vous achetez si vous louez une voiture presque aussi chère que de l'acheter, voilà, vous n'allez juste pas le faire. Vous n'allez pas louer de voiture. Vous allez en acheter ou pas prendre de voiture. Mais après, si c'est une façon de baisser beaucoup le prix, enfin, je ne sais pas. C'est difficile. Mais typiquement, pas être dogmatique, c'est-à-dire pas a priori jeter un modèle. Il y a une seule façon de savoir si quelque chose peut fonctionner, si quelque chose est acceptable pour les lecteurs, viable d'un point de vue technologique et supportable d'un point de vue économique, c'est de l'essayer. Et c'est des domaines dans lesquels on a des surprises, quoi. Donc, faire des grandes déclarations sur le livre doit coûter tant, il faut surtout pas faire ci, ça va à l'encontre de ça, on peut, enfin c'est même amusant, quoi, mais je pense que rien ne vaut le fait de voir si quelque chose est adopté. Et on a eu dans le passé sur les inventions technologiques de telles surprises entre les prédictions. Enfin, faut jamais oublier que le téléphone, au départ, les gens pensaient que ça servirait à écouter des opéras, quoi. Les usages prévus pour le téléphone, on s'est dit, ça va être formidable avec le téléphone, tout le monde pourra écouter de l'opéra depuis chez soi. Donc voilà, il faut avoir sans arrêt en tête que les innovations technologiques, leurs usages ne peuvent pas être comme ça prédits, même par les plus grands experts. La population s'en empare, divers acteurs s'en emparent, et après il y a un jeu de force qui se produit, et puis il y a un usage qui va prédominer, qui n'est pas forcément celui qu'on avait imaginé. Dans tous les autres secteurs industriels et d'innovation. Absolument, c'est pas particulier au livre. C'est toute innovation implique un changement, et le changement, ça veut dire que tout à coup, enfin, le monde du livre jusqu'à présent, ça fait plus de 200 ans que ça fonctionne d'une certaine manière. Donc, on sait de quoi demain sera fait quelque part. On connaît, on sait si on tire à temps à telle époque. Alors, il y a toujours une part d'incertitude, c'est le succès. Et ça, toutes les industries culturelles partagent cette incertitude, c'est de savoir si quelque chose qu'elles mettent à la connaissance du public les gens vont désirer l'acheter. Et ça, c'est ce qui fait aussi la beauté du métier d'éditeur, c'est que on fabrique pas des petits pois à partir d'études, Sofresse, machin, les gens ils mangent tant de boîtes de petits pois par an. On fabrique des objets qui sont pleins de risques, mais aussi pleins de poésie, plein d'imaginaire, donc on ne fabrique pas des. Le livre n'est pas un produit comme un autre, dans ce sens-là, et de même que tout produit culturel. Donc, mais malgré tout, en dehors du fait de savoir si le livre va rencontrer du succès, tout le reste est assez prévisible. On sait que s'il rencontre tel succès, on peut répercuter, on peut piloter, on peut gérer. Dès qu'on passe dans l'innovation, on n'a plus toutes ces années d'antériorité. On doit accepter l'incertitude. Et on doit évidemment essayer de la limiter au maximum, mais on doit accepter une part d'incertitude et on doit se lancer. Parce que si on attend de se construire des certitudes, les gens qui se lancent avant nous, eh bien, ils vont prendre la main. Ils vont, eux, inventer, essayer, essuyer des plâtres. Et puis, ça sera d'autres acteurs que les acteurs traditionnels du livre qui s'occuperont de fournir les lectures de demain, quoi. Donc c'est un enjeu important pour les éditeurs d'oser se lancer, de s'acclimater à ces questions, de se former, s'ils veulent que les gens qui vendront des livres à l'avenir, ça continue d'être des gens qui aiment les livres. Ça, c'est quand même très important. Parce que si c'est Orange qui prend le pas sur l'édition, j'ai rien contre les gens d'Orange. C'est juste qu'ils n'aiment pas tout à fait les livres de la même manière qu'un éditeur. Donc voilà, on a envie que dans le commerce du livre à l'avenir, il continue d'y avoir des acteurs qui aiment les livres, qui savent ce que c'est qu'un livre, qui savent faire un beau livre et qui savent procurer des expériences de lecture agréables aux lecteurs. Donc c'est entre les mains des éditeurs, c'est-à-dire que ça dépend d'eux. S'ils se préoccupent de leur propre avenir, ils ont une chance de pouvoir continuer à jouer un rôle dans ce monde-là. À l'inverse, ils seront obligés de composer, ils disparaîtront pas, mais ils seront obligés de composer avec d'autres acteurs pour toute une partie de la production destinée aux lecteurs. Bon, mais s'il n'y a plus d'autres questions, on va aller manger.